Cependant, le projectile avait dépassé l'enceinte de l'Etico. Imprégné des flux lumineux, dans cette double irradiation du soleil et de la lune, il devait apparaître comme un globe incandescent. Ils étaient donc subitement passés d'un froid considérable à une chaleur intense. La nature les préparait ainsi à devenir sélénites. Devenir sélénites. Cette idée ramena encore une fois la question d'habitabilité de la lune. Voici, dit Barbicane, le problème est double et exige une double solution. La lune est-elle habitable? La lune a-t-elle été habitée? La lune ne me paraît pas habitable. Elle ne me semble pas propice au développement du règne animal, ni suffisante aux besoins de l'existence telle que nous la comprenons. Qu'avons-nous vu? Partout et toujours, le travail géologique de la nature, jamais le travail de l'homme. Donc, la lune n'est pas habitable. Maintenant, dit Nicole, attaquons la seconde question. Si la lune n'est pas habitable, a-t-elle été habitée? Mes amis, dit Barbicane, je crois, j'affirme même que la lune a été habitée par une race humaine organisée comme la nôtre, qu'elle a produit des animaux, conformés anatomiquement, comme les animaux terrestres. Mais j'ajoute que ces races humaines ou animales ont fait leur temps et qu'elles sont à jamais éteintes. Ainsi donc, demanda Michel Ardan, l'humanité aurait disparu de la lune. Oui, répondit Barbicane, après avoir sans doute persisté pendant des milliers de siècles. Puis, peu à peu, l'atmosphère se raréfiant, le disque sera devenu inhabitable, comme le globe terrestre le deviendra un jour par le refroidissement. Et tu dis que pareil sort est réservé à la Terre? Très probablement. Mais quand? Quand le refroidissement de son écorce l'aura rendu inhabitable? Et a-t-on calculé le temps que notre malheureux sphéroïde mettrait à se refroidir? Sans doute. Et tu connais ses calculs? Parfaitement. Mais parle donc, savant Maussade, s'écria Michel Ardan, car tu me fais bouillir d'impatience. Eh bien, mon brave Michel, répondit tranquillement Barbicane, on sait quelle diminution de température la Terre subit dans le laps d'un siècle. Or, d'après certains calculs, cette température moyenne sera ramenée à zéro après une période de 400 000 ans. 400 000 ans ! S'écria Michel. Ah, je respire. Vraiment, j'étais effrayé. À t'entendre, je m'imaginais que nous n'avions plus que 50 000 années à vivre. Pendant cette discussion, féconde en théorie, un peu hasardeuse, bien qu'elle résumât les idées générales acquises à la science sur ce point, le projectile avait couru rapidement vers l'équateur lunaire, tout en s'éloignant régulièrement du disque. Enfin, le projectile s'éloignant toujours, les montagnes se confondirent dans l'éloignement, et le doux cet ensemble merveilleux, bizarre, étrange, du satellite de la Terre, il ne resta bientôt plus que l'impérissable souvenir.